بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نواصل دراستنا وقراءتنا في كتاب الصلاة، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والثبات والسداد والتوفيق. وبعد، donc on va continuer sur la lecture du livre concernant la description de la prière du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et dans la dernière assise, dans l'assise d'hier, on avait évoqué le athar de Hudayfa ibn al-Yaman, le athar de Hudayfa ibn al-Yaman alladhi ruya fi sahih min sahih al-Bukhari wa kadhalika fi ba'd kutub as-Sunan. Wa dhukira fi hadha al-athar أن رجلا في زمن الصحابة حذيفة ابن اليمن صلى صلاة قال فيه أنه رأى رجلا يصلي فطفف فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. فقال ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن. وهذا الأثر رواه النسائي، وقد يعني خلاصة حكم الحديث إسناده صحيح. وقيل في رواية رأى حذيفة الصحابي رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال أحسبه قال، يعني الراوي قال أحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والراوي الحديث في صحيح البخاري. إذن خلاصة الحكم هو صحيح. وقلنا ينبغي للمصلي أن يطمئن في كل ركن من أركان الصلاة من أركان الصلاة، فينبغي أن يطمئن في القيام وفي الركوع والسجود وفي الرفع من الركوع وفي الجلوس بين سجدتين، وأن يستقر. فلذلك لما رأى حذيفة ابن اليمن رضي الله تعالى عنهما رجلا لا يتم الركوع ولا السجود ولا يطمئن فيهما، قال له حذيفة رضي الله تعالى عنه ما صليت؟ فإنك بهذا النقص لا يعتد بصلاتك، ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال العلماء المراد هنا بالسنة هنا الطريقة، وهي تتناول الفرض والنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن في الركوع والسجود وسائر الأركان، فإن مت على ذلك كنت مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الصلاة، وهذا من تعليم الصحابة للتابعين ونقلهم السنن والأحكام لمن بعدهم، ومن حرصهم على هداية الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليهم، كما ذكرنا ذلك في حديث مسي الصلاة. Et donc, on continue en révision. Hier, on avait appris le Athar, le rapport qui nous est rapporté de Hudayfa ibn al-Yaman. Et vous savez, Hudayfa ibn al-Yaman, c'était le compagnon qui avait le secret du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant la liste de al-Munafiqin, la liste des hypocrites. À l'époque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'avait pas divulgué à tout le monde. Et Hudayfa ibn al-Yaman, ce compagnon, lui, avait le secret. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait laissé le secret. Donc lui connaissait la liste de Haoula, al-Munafiqin. Certains disent qu'ils étaient plus d'une dizaine. Certains disent qu'ils étaient 14 à l'époque. Et donc, as-sahaba, parfois, ils allaient voir Hudayfa ibn al-Yaman en l'interrogeant, en lui demandant est-ce que eux faisaient partie de ces munafiqin. Et ensuite, il leur répondait. Jusqu'à ce qu'il ait rapporté que lorsqu'il y avait as-salat al-janaza, les compagnons comme Omar, radiyallahu ta'ala an, ils regardaient si Hudayfa ibn al-Yaman, il priait sur le défunt ou non. Il priait sur le défunt ou non. Al-Muhim, pour réviser, dans la dernière assise, on avait appris le Athar à l'époque, un homme avait prié à l'époque de Al-Hudayfa, et lorsque Hudayfa ibn al-Yaman l'a vu prier, il lui a dit « Depuis quand tu pries ?» Et dans les rapports, on voit que l'homme, lorsqu'il priait, il s'inclinait, ensuite il se relevait de l'inclinaison et se reprosternait directement. Or, on va apprendre comme une arcane au salat, al-istiqrar, le fait de se stabiliser, la quiétude, la sérénité dans toutes les positions de la prière, ce qu'on va apprendre. L'homme, lui, l'a fait rapidement, sans que yatma'in fi salah. Et donc, Hudayfa ibn al-Yaman lui a dit, depuis quand tu pries? Il lui a dit, depuis 40 ans. Il lui dit, en fait, depuis 40 ans, tu n'as pas prié. Et si tu meurs comme cela, tu meurs sur une autre sunna que celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala, alayhi wa sallam. Donc, on s'était fait le rappel avec ce récit de Hudayfa ibn al-Yaman. فبعض الناس يصلون منذ 20 سنة أو أكثر 30 سنة أو 40 سنة ولا يعرف السنن والواجبات وأركان الصلاة فمن أوجب الواجبات أن نتعلم ونتفقه في ديننا وخاصة في مسائل الصلاة في الركن الثاني من الإسلام لأن الصلاة نؤديها في كل يوم وأقل شيء خمسة مرات في اليوم. Alors on va continuer, inshallah, ووصلنا إلى مسألة دعاء الاستفتاح. Donc on va continuer, nous on est arrivé à la question de دعاء الاستفتاح. وفي المسألة, on s'est arrêté hier, في المسألة السادسة. ما معنى قولي في بعض هذه الصيغ. On a dit donc qu'il y a différentes manières de faire l'istiftah. On a différentes manières. La manière la plus authentique, c'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant de commencer l'istihada wal basmala fi salah, kana yastaftih bima yusamma bi du'a'i al-istiftah. Kana yastaftih al-Nabi sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Wa dhakarna mas'alatan muhimmatan anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ruwi anhu fi ba'd al-siyar. Il est rapporté du prophète sallam dans certaines formules des invocations d'istiftah, mais il n'y a pas de demande. Comme par exemple, il est rapporté Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ma fi masala. On a dit il n'y a pas de demande. Ça, c'est rapporté de compagnons. Pourquoi? Parce que certaines, elles ne remontent pas jusqu'au prophète. Elles sont mawquf. Mawquf, c'est quand ça s'arrête aux compagnons. Marfou, c'est quand ça remonte jusqu'au prophète. Mawquf, il est sahabi. Wa maqtou, il est tabi'i. Et donne al-marfou. Il a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on dit que le récit est marfou, il a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mawquf, il a le sahabi, wa maqtou, il a le tabi'i. Il a le tabi'i. Il y a beaucoup de siyar, il y a beaucoup de formules qui remontent aux compagnons. Qui remontent en compagnons. Donc on avait dit, lorsqu'on dit hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, il n'y a pas de mas'ala. Pourquoi? Parce qu'on a dit, ad-du'a yan qasim ila qismain. Du'a mas'ala wa talab. ودعاء تعظيم وتمجيد إذن الحمد لله هذا الكلام يعتبر دعاء الحمد لله هذا الكلام lorsqu'on dit الحمد لله يعتبر c'est considéré comme دعاء comme une invocation. Pourquoi? Parce que الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء Alhamdulillah. Vous vous rappelez du récit où il est rapporté que le prophète sallam, hada hadith en sahih, le prophète sallam il disait afdal al-dhikr la ilaha illallah. Afdal al-dhikr. Idan la ilaha illallah dhikr. Wa afdal al-du'a alhamdulillah. Idan alhamdulillah du'a. Wa ma fi masala wa la talab. Lanu du'a ta'zim wa tamjid. كما قلنا وذكرنا وتعلمنا في الحلقة الماضية. إذن ثم انتقلنا إلى مسألة أخرى في قولي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ça c'est une formule. C'est une formule qui est rapportée qu'on peut dire pour l'istiftah. On peut dire ça pour l'istiftah. On dit وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. On peut dire cela. Jusqu'à la fin on dit وأنا أول المسلمين. ذكر المصنف كيف معنى أنا أول المسلمين. On dit dans cette invocation et moi je suis le premier musulman. On avait conclu avec cette masala dans la dernière assise. Et moi je suis le premier musulman. Quel est le sens de cela? Est-ce que c'est le sens أنا أول المسلمين lorsqu'on dit cela, puisque regardez لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الجواب لأن السؤال ما معنى قولي في بعض هذه الصيغ أنا أول المسلمين. المعنى قال الشيخ أنا أول المسلمين بمعنى اللهم أنا أول من يبادر لامتثال أمرك إذا ما علمت أمرك إذا ما علمت أمرك فأنا أول من يبادر لامتثال أمرك لامتثال أمرك أنا الأول وإذا ما بلغني أمرك إذا ما بلغني أمرك فإني أمتثله وأبادر إلى طاعتك سبحانك. والرواية التي فيها من أول المسلمين رجح المصنف أنها من تصرف بعض الرواة. Idan, lorsqu'on dit et moi je suis le premier musulman, c'est dans le sens qu'on est, puisqu'on dit ça dans une des formules des invocations, c'est dans le sens je suis le premier à me soumettre à ton ordre. Je suis le premier à me soumettre à ton ordre. C'est pas dans le sens je suis le premier musulman. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens aw ana awwalul muslimin, dans le sens je suis le premier lorsque j'entends ton ordre. Oh Allah, c'est comme si le croyant, lorsqu'il dit ça dans le Dua, c'est comme s'il dit, et moi je suis le premier. Awwalu man yubadir. Al-mubadara, en français, le verbe yubadir, c'est bimarna, dans le sens de se hâter, de se précipiter à faire quelque chose. Al-mubadara. Comme a fait hadith Rasul sallam, lamma qala, badiru bil-a'mal, fitanan, ka qita'i layli al-muzlim, yusbihu al-rajulu mu'minan, ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بغراض من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم dit بادروا بالأعمال. Empressez-vous à bien œuvrer, à faire les bonnes actions. فتنان. Le prophète dit il y aura des troubles dans un récit. Il y aura des épreuves, des troubles. Et dit يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. Le croyant sera beau matin croyant et deviendra le soir incrédule. Il sera le soir croyant et deviendra beau matin incrédule. Yabi'u dinahu, il vendra sa religion pour des objectifs de cette vie d'ici-bas. Ça fait partie des prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il sera difficile de tenir sa religion. Il sera dur de tenir sa religion à une époque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la solution c'est le mubadaratu bil a'mal as-saliha. Al-mubadara c'est le fait de s'empresser, le fait de se hâter à accomplir les bonnes actions, à accomplir les bonnes actions. Donc ça, c'est le sens. Lorsqu'on dit, moi, je suis le premier musulman, c'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire, je suis le premier musulman de tous les musulmans depuis l'époque du prophète, c'est moi le premier. La, laysa bima'na hada. Lakin ana awwal man yubadiru bimtithali amrika idha ma alimtuhu. Idha ma alimtuhu. Yani amraka. Et il est dit, et je suis du nombre, pourquoi? Parce que ana awwalul muslimin, ça veut dire je suis du nombre des soumis. Puisque al-islam, al-muslim bima'na soumis. Je suis du nombre des soumis. C'est pour cela, apparemment, et je suis du nombre des soumis, il y a une autre version, ana awwalul muslimin, ça c'est la version qu'on a appris précédemment, et moi je suis le premier soumis. C'est ça la version retenue. Écoutez bien. Je suis, et moi je suis le premier soumis. Vous avez vu ça, pourquoi on le dit? Parce que c'est dans une invocation de l'istiftah qu'on dit cela. Mais il y a une autre version où il est dit, et je suis du nombre des soumis. Je suis du nombre des soumis. Là, beaucoup de savants disent que ça, c'est un rajout des rapporteurs. C'est un rajout des rapporteurs. Et certaines preuves l'indiquent. Laurent doit donc dire, et je suis le premier à me soumettre. La vraie version, c'est pas, et je suis du nombre des soumis. Mais la vraie version, ana awwalul muslimin. Moi, je suis le premier des musulmans, des soumis. Dans le sens qu'on vient de citer précédemment. Ça, c'est la version là, authentique, la plus retenue. Je suis le premier à me soumettre. Il n'y a aucun mal à cela. C'est pour ça que certains savants disent, il n'y a aucun mal de dire cela. Ana awwalul muslimin, ma fi bas. Ana al muslim yaqul ana awwalul muslimin. Bimarna ana awwal min alladhina yubadiruna limtithalika ya Rabb. Moi, je suis le premier à me soumettre à ton ordre, au Seigneur. Donc, il n'y a pas de mal de dire, je suis le premier musulman dans ce sens-là. Vous comprenez? Dans ce sens-là. Pourquoi? Contrairement à ce que prétendent certains, pensant que cela signifie, je suis le premier ou la première personne à posséder cette qualité, alors que le reste des gens, non. Alors que le reste des gens, non. C'est pas ce sens-là. Il n'en est rien. Cela démontre plutôt l'empressement à respecter l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, en ce qui concerne les formules de Al-Istiftah, fahiya kathira. Il y a différentes formules. Par exemple, celui qui ne sait pas faire l'Istiftah, il peut dire La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanakallahum. Par exemple. Ou Allahu akbaru kabira. Celui, par exemple, qui ne sait pas faire l'Istiftah, il ne sait pas. Il ne connaît pas les différentes formules. Il peut dire trois fois La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbaru kabira. Il dit ça, celui qui ne sait pas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar kabira. Il dit ça, à ce moment-là. Quand l'imam, vous avez vu, il laisse un blanc. Ou sinon, il peut dire, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Par exemple, il peut dire celle-ci. Donc ça, c'est des formules qui sont rapportés, vous pouvez retrouver dans le livre la description de la prière de Sheikh Al-Albani, où il a mentionné justement les différentes versions qui sont rapportées. Comme il peut dire Allahu Akbaru Kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Il peut dire celle-ci aussi. On continue. Donc vous avez vu, il y en a différentes. Mais l'une des plus authentiques, c'est comme on l'a dit, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wa al-maghrib ila akhir al-du'a. Ça, c'est l'une des plus authentiques qui est rapportée, qui a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Huraira. À Abu Huraira. Et donne nous wasil. On continue fi kalam al-musannif rahimahullah. طيب قال il va évoquer une autre formule قال المصنف في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول وأنا من المسلمين. Vous avez vu في رواية أنا من المسلمين، أنا من المسلمين هذه زيادة من الراوي من الرواة بعض الرواة، وفي رواية أنا أول المسلمين هي أصح elle est plus authentique celle-là، وأنا أول المسلمين أول المسلمين. اللهم أنت المالك لا إله إلا أنت، أنت ربي أنت عبد، وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لا أحسن واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء رواه مسلم، وكذلك رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال الدعاء. Ce dua-là qu'on vient de dire. وفي رواية لأبي داود التصريح بأنه إذا قام إلى المكتوبة كبر ثم قال، وهذا غالبا في صلاة الليل يستفتح صلاة الليل. Là on en a une autre que le prophète disait en général la nuit lorsqu'il disait l'istiftah la nuit. Le prophète en somme il est rapporté qu'il disait Allahumma Rabba Jibra'il وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ça c'est une qui rapportait du prophète sallam souvent ce qu'il disait la nuit Ensuite l'auteur dit, pour terminer la question de l'istiftah, il dit وبأي استفتاح استفتح بي مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يجزي. Alors, vous avez vu toutes ces formules, ces différentes formules qui sont rapportées du prophète صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح. N'importe quelle formule qu'on utilise, c'est valable. C'est valable. إلا أنه قال وتقول هذا مرة وهذه مرة أحيانا هذا واحيانا هذا لتعمل بالسنن جميعا ولا تجمع بينها المصنف يقول لا تجمع بينها بين الصيغ، انت تذكر في صلاه واحده صيغه واحده. مثلا si tu veux dire حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه tu dis حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم تستعيذ بالله تبسمل وتبدا تشرح في قراءه الفاتحه. Mais tu viens pas avec hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah allahu akbar kabira. Ou bien tu commences, tu dis allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wa al-maghrib, et tu dis différentes formules, tu n'en dis qu'une. Vous savez pourquoi? La preuve sur quoi se basent les savants. Istadalla al-ulama qala لو جمعت بينها خالفت السنة. Si dans une prière tu cites plusieurs dua istiftah خالفت السنة, tu as contredit la sunna. Pourquoi? قالوا ودليل ذلك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول يا رسول الله. Vous avez vu lorsque Abu Huraira, il a interrogé le prophète lorsqu'il a vu que le prophète il laissait un temps silencieux. Il dit Ya Rasulallah, ma taqul. Et le prophète sallam ensuite lui a dit Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib ad-du'a. il lui a dit cela. Lakin lam yadhkur lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illa wahidan faqat. Lakin an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yadhkur lahu illa wahidan faqat. Mais le prophète, lorsqu'il lui a dit, qu'est-ce qu'il disait? Combien de formules de l'istiftar qu'il a mentionné à Abu Huraira? Une ou plusieurs? Wahida. Il a mentionné Wahida. Il donne la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Wahida. De Wahida. Qalu, fadalla hada, ala annahu la yujma'u baynaha. Ahyanan, tazkur Wahida. Wahyanan, tazkur Athaniya. Si par exemple, tu en connais trois. Si tu connais trois doa. Une fois, tu dis là, tantôt, tu dis ça, ahyanan, tu dis une autre. Wadih al-kalam. Taïb, fi salat al-tarawah, par exemple, si on fait salat al-tarawah, il y a plusieurs prières surrogatoires, ou la prière de la nuit, fi qiyam al-layl. Par exemple, la personne, il va faire 8 raka'at. Avec l'ouitre, ça fera 9 raka'at. Donc, ça fait 4 prières. Il fait mathna, mathna, mathna, mathna, salat al-layl, mathna, mathna. La prière de lui, c'est 2, 2, 2, de faire 2, 2. Est-ce qu'à chaque fois, vous répétez dua à l'istiftar? Est-ce qu'on doit répéter dua à l'istiftar? Par exemple, je fais une première prière. Allahu Akbar. La première prière que je vais faire, astaftar. Astaftar. Dans la première raka'at. Fi raka'a al-thaniya, la astaftar. On a dit, on ne fait pas l'istiftar. Lakin. Ensuite, je vais faire assalamu alaikum, assalamu alaikum. Je recommence deux raka'at. Est-ce que là, je fais l'istiftar? Na'am. C'est pas obligé. Mais beaucoup de savants, ils disent, testeftir. Et quand tu feras la troisième prière, testeftir. La quatrième, testeftir. Hada qawl ba'd al-ulama. Hada qawl ba'd al-ulama. Law tarakta l'istiftar fi hada al-mawdi', la shay. Lakin, beaucoup de savants disent, tu fais l'istiftar. Taqrabi al-istiftar. Tayyib. Thumma intaqala al-musannif, rahimahullahu ta'ala, ila mas'alat al-ta'awwudh. Ba'd du'a al-istiftar. قال وبعد الاستفتاح بواحد مما تقدم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه قال في البلوغ رواه الخمسة أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Taïb. Alors l'auteur il dit, ensuite, après al-istiftar, on fait ce qu'on appelle masalat al-istirada, al-ta'awud. On va demander protection d'Allah Azza wa Jal contre al-shaytan. Masalat al-istirada. Kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yasta'idh billahi ta'ala. Fayaqul, a'udhu billahi min al-shaytan al-rajim. Et là, aussi, il y a différentes formules qui sont rapportées. Vous avez vu, demande de protection, c'est dire « A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim ». Donc, on ne commence pas la lecture de l'Fatiha sans faire « al-istirada ». Sans faire « al-istirada ». Qal al-ulama, avant qu'on parle de « as-siyar », les différentes formules, « al-hukm ». Qal al-ulama, « al-masalatu al-ula, min al-wajib ala al-muslim idha arada » قراءة القرآن أن يبدأ بالاستعاذة امتثالا لما جاء في الكتاب في قول الله جل وعلا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال أهل العلم فهذه الآية معناها إذا أردت أن تقرأ فابدأ بأن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان خلقه القرآن فما كان يقرأ القرآن في الصلاة أو في خارج الصلاة للتلاوة إلا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. Les savants disent que c'est une obligation. Donc je vais vous résumer ce qu'on dit. Donc là sur l'istirada, on va prendre différentes questions. Donc suivez-moi bien. On a fini al-isti, masalat al-istiftah. On a fini ma salat al-istiftar. دونك انا دي عندما نبدا الصلاه نبدا برفع اليد رفع اليدين ونلف لما lorsqu'on commence بعد الاقامه après الاقامه on dit الله اكبر on a dit lever les mains on a dit jamais au-dessus de la tête hakada c'est toujours au niveau des épaules c'est rapporté du prophète au niveau des épaules ou bien des oreilles on a dit les mains tendues on n'écarte pas les doigts les mains tendues comme c'est rapporté du prophète vous savez cette manière là les compagnons l'enseignaient depuis les premières générations jusqu'à aujourd'hui ils l'enseignent donc c'est rapporté que le prophète enseigne comme ça il levait les mains comme ça au niveau des épaules au niveau des oreilles avec les mains tendues Allahu Akbar on a dit si on lève les mains قبل التكبير أو في أثناء التكبير أو بعد التكبير يجوز tout ça c'est rapporté du prophète sallam Allahu Akbar vous savez un jour أحد المشايخ زار المسلمين في هذا البلد il a visité les frères ici il a donné des conférences un jour il a dit oh si seulement il y avait quelqu'un qui faisait la description de la prière في المنبر le vendredi, plus personne le fait qu'enseigne aux gens la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam El Muhim, ensuite le prophète on a dit kana yaqul Allahu Akbar donc ça, cette manière là le fait de faire comme ça comme beaucoup font yabda Allahu Akbar madri min ayna atat hadihi al-kayfiyya Allahu Akbar. On voit souvent ça. Allahu Akbar. Là, les mains, elles sont pas au niveau des épaules et des oreilles. Ce qui est rapporté, c'est au niveau des épaules et des oreilles. Là, les mains, elles sont au niveau de la poitrine. C'est un ralat. C'est une erreur. Par contre, la prière, elle est valable. As-salatu sahiha. Lakin, khilaf sunnah. C'est contraire à sunnah. Donc, de faire ça, Allahu Akbar. C'est pas la sunnah. La sunna, c'est de lever au niveau des épaules ou bien des oreilles. Allahu Akbar. Ensuite, on pose sur la poitrine. Les trois choses qui sont rapportées, poitrine, sur le ventre, en bas de la poitrine ici, ou bien taht, surra, sous le nombril. C'est les trois choses qui sont rapportées. De Ali ibn Abi Talib, en dessous le nombril, c'est daif, mais c'est rapporté. Comme ça, comme ça. Comme ça. Certains disent que elle asah comme ça. Les mains, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Trois manières. Ensuite, lorsque je vais dans l'inclinaison, je relève les mains. Allahu Akbar. Et c'est pas mafi mad. Certains font le mad. Allahu Akbar. Non. Il n'y a pas de mad. Si on dit Allah, c'est comme s'il y a un istifham. C'est comme si istifham. Subhanallah, c'est comme si on dit Allah, c'est comme si on dit Allah ou Akbar. Ça change vraiment le sens. C'est pas dans certains adhan fil bled, vous avez entendu, ils font Allah ou Akbar. Akbar. Si on fait un mad sur le ba, c'est plus le sens de Akbar. C'est un autre sens, comme on avait dit, c'est un instrument de musique. Donc c'est Allahu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. On ne met pas le waouh. On ne dit pas Allahu Akbar. Certains savants disent, c'est le moins grave, Allahu Akbar, dans le sens, dans l'oura, ça peut, le sens il change pas. Mais c'est Allahu, Allahu Akbar. Comme cela. Ensuite, al-istiftah, du'a al-istiftah, nastiftah. Ba'd al-istiftah, mas'alat al-isti'ada. Maintenant on dit, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Mais il y a plusieurs sirah. Donc ça c'est wajib. De faire al-isti'ada, c'est obligatoire. Hukmu wajib. Pourquoi? C'est par rapport au verset, fa'idha qara'at al-Qur'an fasta'idh billahi min ash-shaytan ar-rajim. Allah dans un verset nous dit dans Surat Nahl le verset 98 ou 17, pardon, ou 98, Allah dit, et lorsque tu récites le Coran, fasta'idh billah, cherche protection près d'Allah. Hadhihi al-mas'alat al-oula. Il est rapporté que كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. Il est rapporté فما كان يقرأ القرآن في الصلاة أو في خارج الصلاة للتلاوة إلا بالاستعاذة بالله عز وجل. Il est rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم il ne récitait jamais le Coran pendant la prière ou en dehors de la prière si ce n'est en demandant protection d'Allah عز وجل. هذه المسألة الأولى في الحكم الاستعاذة. المسألة الثانية ما هي صيغة الاستعاذة؟ ما هي صيغة الاستعاذة. Maintenant la manière. Il y a différentes manières. On peut dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Comme on peut dire une autre manière, comme on va l'apprendre. الثابت من صيغ الاستعاذة التالي. الصيغة الأولى وردت في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ça c'est rapporté cette manière-là. Cette manière-là, elle est rapportée. كما في الآية السابقة والصيغة الثانية وردت كذلك في القرآن العظيم في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وهذه لم ترد في القراءة لكن عمومها يشملها عمومها يشملها كما سنرى هذا والصيغة هذه قيل je vais vous dire les différentes manières de la dire il est rapporté أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم il est rapporté celle-ci donc il est rapporté أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم il est rapporté أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ces trois-là elles sont rapportées ces trois-là elles sont rapportées وذكرها الشيخ الألباني في كتاب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال والصيغة الثالثة هذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وصيغة رابعة il y en a même une quatrième pardon il y en a même une quatrième أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه المسألة الثالثة المسألة الثالثة الاستعادة تقال أو تقال سرا ولا تقال جهرا La troisième question, donc vous avez vu, le hukm, c'est une obligation, le jugement religieux. Deuxièmement, les différentes manières, on les a apprises. Vous pouvez dire « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » comme vous pouvez dire أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم كما on peut dire أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه المسألة الثالثة la troisième مسألة الاستعاذة dans la prière الاستعاذة dans la prière est-ce qu'il faut la dire سرًا au jahara. Est-ce qu'il faut la dire à voix haute ou bien à voix basse? Les savants disent qu'il faut la dire à voix basse. Tuqal sirran. On la dit à voix basse. Limadha lam yathbut 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wala 'an as-sahaba wala 'an at-tabi'in al-jahara أو الجهر بالاستعاذة في الصلاة. Et parce que c'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons, ni des tabi'in, qu'il disait A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim dans la prière à voix haute. C'est pas rapporté. C'est pas rapporté qu'il le disait à voix haute. وَكَذَا فِي الْقِرَاتِ خَارِجُ الصَّلَةِ فَإِنَّكَ تَسْتَعِيدُ فِي نَفْسِكَ وَلَا تَجْهَرْ بِالِسْتِعَادَ. Même en dehors de la prière, lorsque tu dis A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, tu le dis pour toi. Tu le dis, mais tu te fais entendre toi, tu le dis pas à voix haute. Tu le dis à voix basse. Tu le dis à voix basse. Par contre, Masalatul Basmala. Maintenant, on a Masalatul Al-Basmala. Al-Basmala, c'est le fait de dire Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Le fait de dire Bismillah. On appelle ça le Basmala. Tu Basmil. Tu dis Bismillah. Masalatul Basmala, Hal. يجهر بالقراءة. Est-ce que par contre Al-Basmala on le dit à voix haute? Ça c'est une question importante. Par exemple l'imam, lorsqu'il récite, donc quand on va commencer la prière, on commence Al-Istiftah, Dua Al-Istiftah. Ensuite l'imam ou bien Al-Ma'moum ou bien Al-Munfarid, puisqu'il y a trois, imam, Ma'moum, Munfarid. Celui qui prie imam, celui qui prie derrière l'imam et celui qui prie seul, chez lui par exemple. Là, lorsqu'on va réciter Al-Fatiha, est-ce qu'on l'a dit à voix haute, la basmala, ou bien on la récite à voix basse? Par exemple, je vais commencer Al-Fatiha. Est-ce que je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, ou bien je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen? Est-ce que je dis Basmala à voix haute ou pas? Qala al-ulama, اختلف أهل العلم في الجهر بالبسملة في الصلاة، فمنهم من قال يجهر بها وهو قول الإمام الشافعي، وهذا قول عند الشافعية، ومنهم من قال لا يجهر بها. Les savants ont divergé sur cette question. Il y a des savants qui considèrent qu'il faut la dire à voix haute, et des savants qui considèrent qu'il faut la dire à voix basse. La basmala, al-basmala. Les savants qui considèrent qu'il faut la dire à voix haute, c'est l'avis des savants qui sont d'obédience chafi'ite. C'est l'avis de, des savants qui sont d'obédience chafi'ite, dans l'école chafi'iyya. Où ils considèrent qu'il faut dire al-basmala à voix haute. Et donc, lorsqu'il commence, il dit « Bismillahirrahmanirrahim » Il dit à voix haute. Pour eux, l'imam. Une partie de savants considère que non, il faut dire à voix basse. لا يجهر, c'est-à-dire, il le dit à voix basse. قال وهو قول الجمهور. L'avis de la majorité des savants, ils considèrent qu'on le dit à voix basse. Le fait de dire le basmala à voix basse, c'est l'avis de la majorité des savants. La majorité des savants. قال ابن القيم الجوزية. Et l'imam ibn Qayyim a une très belle parole sur ça. L'imam Ibn Qayyim a une très belle parole sur ça. Qala fi kitabihi Zad al-Ma'ad. Fi kitabihi Zad al-Ma'ad. Qala. Regardez ce qu'il dit Ibn Qayyim fi kitab Zad al-Ma'ad, ce célèbre livre. Qala. Wa kana sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yajharu bi bismillahi ar-Rahman ar-Rahim taratan wa yukhfiha أكثر مما يجهر بها ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا ويخفي ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلدي في الأعصار الفاضلة هذا من أمحال المحال حتى يحتاج إلى التشبث بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما. Regardez ce qu'il dit Ibn Qayyim. Et là, écoutez bien, c'est pour ça qu'on va résumer la question. Ibn Qayyim, il dit, en fait, ce qui est rapporté du prophète, c'est que le prophète l'a déjà dit à voix haute. Le prophète, sallam, a déjà dit Al-Fatiha à voix haute, pardon, Al-Basmala. Il a déjà dit Al-Basmala à voix haute. Mais aussi, il le faisait à voix basse. Il le faisait à voix basse. Donc vous comprenez pourquoi il y a des savants qui voient qu'il faut le dire à voix haute. Vous avez vu, il y a des imams, quand ils dirigent, ils disent « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » à voix haute, parce qu'ils considèrent qu'il faille le dire à voix haute. Et vous comprenez pourquoi certains voient qu'il faille le dire à voix haute, « Al-Basmala » C'est même, c'est pour l'imam et pour le Munfalid, celui qui prie seul aussi. Admettons que vous priez à la maison, « Salat al-Maghrib » ou « Isha » ou « Salat al-Fajr » Vous êtes à la maison et vous allez réciter à voix haute. Est-ce que vous dites Al-Basmala à voix haute ou non? Du fait que c'est rapporté que le prophète a déjà récité à voix haute, certains savants considèrent qu'il faut le dire à voix haute. Sauf que regardez ce que va dire Ibn Qayyim. Ibn Qayyim dit, mais c'est rapporté qu'il le disait à voix basse. C'est rapporté que le prophète, sallam, kana yurfi, il le disait à voix basse et pas à voix haute. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit en fait, le prophète le disait plus de fois, la majorité du temps, c'est à voix basse. Le prophète le faisait plus, il dit, à voix basse qu'à voix haute. Regardez ce qu'il va dire. Regardez. La raib annahu lam yakun yajharu biha da'iman fi kulli yawm wa layla khams marrat. Il dit, c'est sûr que le prophète, en somme, il ne le faisait pas constamment tous les jours pour les cinq prières. À voix haute. Il dit, ça c'est sûr. Il dit que le prophète, en somme, il ne le faisait pas constamment comme cela. Il dit que ce soit dans la prière en tant que résident, ou la prière en tant que voyageur, en tant que voyageur, وَيُرْفِي ذَلِكَ عَلَى خُلَفَائِهِ وَالرَّشِدِينَ. Alors, du fait qu'il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne disait pas à voix haute, ça, ses compagnons ont rapporté cela. Et là, beaucoup de compagnons ont rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne disait pas à voix haute. Sinon, les compagnons parmi les califes bien guidés et autres l'auraient dit. Si le prophète le faisait constamment, à chaque prière à voix haute, si le prophète disait le basmala à voix haute, les compagnons l'auraient rapporté. Que le prophète, tout le temps, il récitait le basmala à voix haute. À voix haute. Et donc, ils disent que ça, c'est pas rapporté. Fasahih util kal ahadith ghayru sarih. Et on a des récits authentiques, mais où c'est pas rapporté clairement que le prophète dise à voix haute. Et on a des hadiths qui le disent, mais ils sont pas forcément authentiques. Ils sont pas forcément authentiques. Alors, certains savants, ils disent, et il est rapporté d'Ibn Qayyim, il disait, en fait, cette question-là, on pourrait la développer en un volume, en un gros volume. Cette question-là, il dit, on pourrait la développer en un grand livre, un grand écrit, un grand volume. Mujallad Dokhman. Un grand volume, on pourrait parler de cette question. Pourquoi? Parce que les savants, si vous relisez ce qu'ont dit les savants, fil basmala, hal tujharu biha, aw la najharu biha, kalam tawil, عند العلماء. Ils ont vraiment des propos. Donc il dit, mumkin hadhi al-masala, hadha al-mawdu' yastad'i mujalladan dakhman. On pourrait lire un livre que pour cette masala. Mais regardez. Madhhab Abu Sham fi kitab al-basmalah al-kabir lahu ila annahu yushra. Écoutez bien, maintenant on va résumer la question. Un grand savant a résumé la question. Et là on va avoir un avis qui nous résume vraiment la question. أنه يشرع الجهر بالبسملة. Grand savant disait يشرع الجهر بالبسملة مطلقا. Qu'on peut le dire à voix haute مطلقا. وقرر ذلك بما ثبت من أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن بعضهم كان يجهر بها في الصلاة. Et il rapporte ça qu'il est rapporté après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a بعض الصحابة, des compagnons qui lisaient le basmala à voix haute. كانوا يجهرون بالبسملة. Il y a des compagnons qui le disaient à voix haute. طيب ماذا نصنع نحن المنفرد الذي يصلي في بيتي في منزلي أو الإمام ماذا نصنع هل نبسمل جهرا أم لا اسمعوا إلى هذا الكلام قال شارح كتاب صفات الصلاة يقول regardez le sheikh il va résumer maintenant il va donner une conclusion est-ce que nous maintenant najhar ou la najhar on a dit cette masala on pourrait la développer longtemps mais en résumé عليه نقول هذا الصحابي ما جهر بالبسملة إلا عن أصل علمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit le compagnon الذي جهر بالبسملة. Un compagnon si il dit la basmala à voix haute. Est-ce qu'il l'a fait de lui-même ou il ne le fait pas de lui-même? Il ne le fait pas de lui-même. Si il le dit à voix haute, c'est qu'il a vu et entendu le prophète sans même le faire. C'est ça la base chez les compagnons. Lorsque les compagnons ont fait quelque chose, c'est qu'ils ont vu et entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. C'est comme cela qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tawakkafu hinama tawakkaf. Ils se sont arrêtés où s'est arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils écoutaient, ils écoutaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si les sahaba ils ont fait ça, c'est que certains ils ont vu et entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ففعل الصحابي دليل على أنه صلى الله عليه وسلم جهر بها. Donc du fait que ça nous est rapporté de compagnons, il dit c'est une preuve que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a déjà dite à voix haute. Donc on a preuve que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a déjà dite à voix haute. Pourquoi? Parce que فعل الصحابي يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها. كان يجهر بها. لكن قال ومن أسر بها écoutez bien دل على أنه لم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بها mais il nous est rapporté aussi de compagnons qui la faisaient à voix basse ça indique quoi que les compagnons qui le faisaient à voix basse ça veut dire que eux n'ont pas vu ou entendu le prophète sallam la dire à voix haute Sinon, il le dirait à voix haute. Est-ce que sur ça, on est d'accord? Vous n'avez pas l'air d'être d'accord. Non. Sur ça, on est d'accord. Si il nous est rapporté de compagnons, qu'il l'ait dit, on a des rapports, alhamdoulilah, qu'il l'ait dit à voix haute. Ça prouve que s'ils le disent à voix haute, ils ont vu ou entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dire à voix haute. Puisque vous avez vu, regardez pour Dua al-Istiftah. Abu Hurayra, il avait remarqué que le prophète, il laissait un temps entre Takbirat al-Ihram et Al-Fatiha. Il a interrogé le prophète. Se dire sur chaque chose. Regardez, ils ont même rapporté qu'il reconnaissait et il savait que le prophète était en train de réciter du fait qu'il voyait de derrière la barbe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il voyait des mouvements, elle bougeait. Il savait que, donc, le prophète récitait. Vous avez vu les détails qui rapportent de la prière du prophète sans sème. Regardez, il nous rapporte que le prophète levait les mains à hauteur des épaules ou des oreilles. Il nous rapporte que le prophète a posé la paume de sa main droite sur sa main gauche. Vous avez vu les détails qu'il nous rapporte? On va apprendre. At-tashahud. Le prophète sans sème levait son doigt en direction de le Qibla pour le tashahud. On va apprendre cela. As-siyar. Les façons de le dire, de faire, l'assise, comment on va prendre, comment mettre les pieds lorsqu'on s'assoit. Tout cela, ils l'ont rapporté du prophète. Donc, si des compagnons l'ont dit à voix haute, c'est qu'ils ont entendu le prophète sans même dire à voix haute. Mais on a des compagnons qui l'ont dit à voix basse. Les savants disent, ça veut dire que certains compagnons n'ont pas entendu le prophète sans même dire à voix haute. Taïb, nous en tant que, par exemple, lecteurs, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce que va dire Shir. Il va dire, pourquoi il nous dit ça? Il va nous dire, tout simplement, ومن أسر بها دل على أنه لم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بها. إذن regardez ce qu'il dit. إذن la sunna c'est quoi? الشيخ va dire إذن السنة في الاثنين. إذن il dit la sunna c'est les deux. Vous allez bien comprendre. Il dit la sunna donc c'est les deux. وليست في أحدهما. Et la sunna ce n'est pas juste un. Soit je fais ça, dit Shir. Il dit c'est les deux. Sauf que, regardez. Fa yasun al-jahru bil basmalati ahyanan. Wal israru biha ghaliban. Vous ce qu'il dit? Le Shir il dit donc c'est sunna de la dire à voix haute de temps en temps et de la dire à voix basse dans la majorité du temps. Vous avez vu la conclusion, cher, qu'est-ce qu'il dit? La majorité du temps, on l'a dit à voix basse. Et de temps en temps, on peut la dire à voix haute. De temps en temps. Regardez ce qu'il dit. Il dit, وَسُنَّةُ فِي الْإِثْنَيْنِ وَلَيْسَتْ فِي أَحَدِهِمَا فَيُسَنُّ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ أَحْيَانًا وَلَوْ أَنَّ الْإِنسَانَ جَهْرَ بِالْبَسْمَلَةِ لِتَعْلِيمِ النَّاسِ أَحْيَانًا وَكَانَ غَالِبُ حَالِهِ الْإِصْرَارُ فِيهِ فَقَدْ وَافَقَ بِذَلِكَ السُّنَّةَ. Il dit par exemple, si... Il dit par exemple, si imam de temps en temps, l'imam de temps en temps, il l'a dit à voix haute. Il a dit la basmala à voix haute pour enseigner aux gens. Enseigner aux gens que c'est le moment, il dit el basmala. Il dit, ça c'est, les savants disent, c'est permis. Il peut le faire. Sauf que la majorité du temps, il le fait à voix basse. La majorité du temps, il le fait à voix basse. Pourquoi? Parce que les savants, ils ont dit, les deux sont rapportés. Sauf que ce qui est rapporté le plus que faisait le prophète, c'est à voix basse. Ce que faisait le prophète, c'est à voix basse. Donc c'est pour ça que l'auteur ici, il résume cette question en disant, وَالْإِسْرَارُ بِهَا غَالِبًا. Pourquoi il dit que la majorité du temps, on le fait à voix basse? On ne la dit pas à voix haute, la basmala. Vous savez pourquoi il dit la majorité du temps, on l'a dit à voix basse? Parce qu'il dit c'est ce qui est le plus rapporté. Les hadiths rapportés rapportent le plus que le prophète sallam la disait à voix basse. Regardez, il dit لأن أكثر الأحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة. C'est pour ça, parce qu'il dit que la majorité des hadiths montrent que le prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, il la disait à voix basse. Il disait cela à voix basse. Taïb. Thumma qala al-musannif, rahimahullah. Donc après cela, l'auteur dit القراء يقرأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة كاملة تامة على الوجه الذي نزلت عليه أي بحروفها وحركاتها وتجديداتها وسكوناتها بحيث لا يغير شيئا منها إماما كان أو منفردا أو مأموما فإن غير شيئا منها نظرنا إن كان يحل المعنى لم تصح وإن كان لا يحل المعنى صحت. Cheikh ensuite il dit donc il récite al-Fatiha. Après al-Basmala donc maintenant il récite al-Fatiha. Il récite al-Fatiha. قال il doit réciter la Fatiha entièrement comme elle a été descendue. Comme elle a été descendue, c'est-à-dire en formulant bien ses lettres, en prononçant bien ses lettres, wa harakatiha, les voyelles, en faisant attention à bien prononcer les voyelles, wa tajdidatiha, quand il y a tajdid, où il faut insister dessus, wa sukunatiha, il dit aussi, bihaif, de sorte qu'il ne change pas le sens de la fatiha. qui ne change pas le sens de Al-Fatiha. Qu'il soit imam, qu'il soit munfarid, qu'il soit ma'mouman, que ce soit l'imam ou que ce soit le fidèle qui prie derrière, puisqu'à un moment donné, il récite Al-Fatiha, on viendra sur cette question, puisqu'on n'a pas de problème dans la prière à voix basse, chacun récite Al-Fatiha. Ensuite, on parlera de la prière à voix haute. Est-ce que les prieurs, les fidèles, après la récitation de Al-Fatiha à voix haute de l'imam, est-ce qu'ils se doivent de réciter Al-Fatiha ou non? On parlera de cette question-là. On détaillera cette question-là. Sauf que là, il dit donc, on prie seul, ou on prie avec l'imam, ou on prie derrière l'imam, lorsqu'on récite Al-Fatiha, alors il faut la réciter comme elle a été révélée et comme elle est descendue. Et ne pas changer le sens de celle-ci. Si maintenant quelqu'un a récité et a changé le sens, il s'est trompé, il change le sens de l'Fatiha, Cheikh dit, on regarde. Nazarna. On regarde. In kana yuhil al-ma'na lam tafih. Si il change lorsqu'il a, pardon, il dit, la yurayyiru shay'an minha. La question c'est, si maintenant il a changé quelque chose de l'Fatiha, son changement là, on va l'observer. Cheikh dit, on observe. Si son changement, il n'a pas récité comme elle est descendue, il a changé quelque chose. Si son changement, ça change le sens, alors la récitation n'est pas valable. La récitation n'est pas authentique. Il dit, لم تصح. وإن كان لا يحيل المعنى صحت. Par contre, si ça ne change pas le sens, la récitation est bonne. Donc, s'il a changé quelque chose, il dit, on regarde. Est-ce que ça change le sens ou bien ça change pas le sens? Par exemple, il dit, lorsqu'on récite Sirat al-Ladina, la personne dit An'amtu. Il a changé là, il a fait un changement. Il change une voyelle. C'est An'amta. An'amta alayhim. Lui, il dit An'amtu. Là, Cheikh, il dit Lam tasih. Pour soi, parce que Al-Mun'im, huwa Allah. Et là, Al-Qari, Ja'ala nafsahu, huwa Al-Mun'im. Et là, celui qui récite, c'est comme si c'est lui le Mun'im, parce qu'il dit An'amtu. An'amtu, c'est lui la voix de ceux dont j'ai comblé de mes bienfaits. Or, c'est la voix de ceux dont tu, on dit, dont tu as comblé de tes bienfaits, c'est-à-dire dont tu, Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, si une personne est récite, dit Sirat al-Ladina An'amtu, au mieux de dire An'amta, alors là, on dira que Lam tasih. Sa récitation n'est pas bonne. N'est pas authentique. Pourquoi? Parce qu'elle a changé le sens. يكون المنعم هو القاري وإذا قال أنعمت عليهم يكون المنعم هو الله عز وجل وإن لم يتغير المعنى فإن تعمده فلا يجوز. Par contre, si le lecteur fait une erreur dans la sourate al-Fatiha et il fait une erreur qui ne change pas le sens, وتعمد, il l'a fait exprès, mais elle change pas le sens, l'erreur. La yajuz, ça c'est pas permis. Il dit que c'est pas permis. Lakin la yubtilu al-Fatiha, mais ça annule pas sa récitation de al-Fatiha. S'il fait une erreur qui change pas le sens. Mathalan, une erreur par exemple qui change pas le sens. On dit Alhamdulillahi rabbal alamin. Alhamdulillah rabbal alamin. Normalement c'est Alhamdulillahi rabbi alamin. C'est rabbi. Donc c'est pas Rabba. Si la personne dit Alhamdulillah Rabba al-Alamin, il a changé. Puisque là c'était une kasra, il a mis une fatha. Donc il a fait un changement. Mais est-ce que ça change le sens? Non. Il dit que ça change pas le sens. Idan qala mithl Alhamdulillah Rabba al-Alamin. As-sawab Rabbi al-Alamin. Allah لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمة محمدا وساته الفضيلة ثم محمدا. تفضل. الاستعاذة؟ لا، الأولى بس. Certains savants y voient. Ils voient comme on va le voir en détail. Sinon c'est الأولى. في ركعة الأولى إن شاء الله. ونكمل إن شاء الله بفائدة. Donc, on se quitte avec une faïda. Ensuite, Shir, une fois qu'il a parlé de la récitation de la Fatiha, regardez ce qu'il dit. Il dit Wal basmalatu ayat min kitabillah. Walakinaha laysat ayatan min kulli sura. Bal hiya ayatun mustaqilla yu'ta biha fi ibtida'i kulli sura siwa suratu bara'a. Et Shir, il dit donc Al basmala, c'est un verset parmi les versets du livre d'Allah, parmi les versets du Coran. Mais il dit, il est cette ayat min kulli sura. Mais c'est pas un verset dans toutes les sourates. C'est pas un verset de toutes les sourates. Bel hiya ayatun mustaqilla. Mais c'est un verset qui est indépendant. Yu'tabiha fi ibtida'i kulli sura siwa surat al-bara'a. C'est un verset qui est indépendant, qui vient, qu'on récite avant chaque, au début de chaque sourate. Qui vient au début de chaque sourate. Fa'innahu laysa fiha basmala. Sauf la sourate qui est appelée la sourate du désaveu, ou bien la sourate Tawbah, la sourate du repentir. Il dit, là, on n'a pas de basmala, c'est l'exception qu'il y a dans le Coran. Il n'y a pas de basmala pour la sourate 9, Tawbah, ou bien Al-Bara'a, la sourate du repentir. Sauf, regardez ce qu'il dit. Il dit, وَلَيْسَ لَهَا badal خِلَافًا لِمَنْ يُجَدْ أَوْ لِمَا يُجَدْ فِي بَعْدُ الْمَصَحِفِ. Le Cheikh, il dit qu'il a trouvé, dans certains masahif, certains à la place de le Fatiha, ils ont rajouté quelque chose. Vous avez vu, surat al-Bara'a, on ne la commence pas avec al-Basmala, on ne dit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début de la surat. Mais lui, Sheikh, il dit qu'il a trouvé fi bard al-Masahif, badalan min al-Basmala, ils ont cité quelque chose d'autre. Par exemple, il a trouvé, il dit, certains ont dit, a'udhu billahi min al-Nar. Ou bien certains, ils ont dit, wa kaid al-Fujjar, wa min ghadab al-Jabbar, wa la'izzatu lillahi, wa li rasulihi, wa lil mu'minin. Et dit, هذه وجدتها مكتوبة في بعض المصاحف على هامش أول سورة البراءة وهذا خطأ ليس بصواب فهي ليس فيها بسملة وليس فيها شيء بديل عن البسملة عن البسملة. وسنكمل الكلام ونواصل الكلام في حلقة قادمة بحول الله جل وعلا إذا وفقنا الله ويسر لنا الله جل وعلا لقاء. و سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان الحسنات جميعا يوم القيامة وأن يوفقنا ويسددنا وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة. والله أعلم. وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.